tocam agora as melhores músicas em inglês. Nous, vi violence. Pour l'amour, nous pas tomber. Après mauvaise et à deux, pour découvrir qui m'en aille. En Paris, mettre ma genou. Pour espimer l'amour, moins doux. Oh, seye fe nive Ou pa kompran ke mwen pale vete Sa mon enve se ke nou pe vive Adon an parati, an parati an nou Soulager, soulager, soulager, pour nous périver. cachet chez moi. Somebody stop me. Click, click, crack on a Nazi. Fun Liberace. God give you to be here if you watch me. Never catch me. Rockin' sashi. Rampin' mashi. Hurry up, somebody stop me. Before me done the party, I resort to karate. Kick you with a lyric on my carte. Bring it on, everything that you can. But if not, let me do my thing. Cause I got the whole world listen to the style that I bring. I'm classic on the lines and the ring. God, never try to diss another nigga with the trigger in the end. You ain't the only player in the game. Cause life is detrimental if you try to push your finger in the flame. I'll send this one straight to your brain. Alright, don't cross me, try walk past me. Don't mix me, some boy nasty. More money than the Beyonce. Trigger hard on the track and somebody's falling. Fish that fry in the kitchen. Chicken get jerk on the grill. Me name them food them from now until. So for something I'm gonna name Cheryl, no way. What does it talk in a fiend teeth? So why I can't put me that? You know, I'm done with it. Create a TV gal, me now go turn broke gal. Gal, but we more. Jack no in a took them religion. Get out to my mother, come come to me time, get to me done. Feel up all the rest, them what you think I'm. Tell them about what's up. Drag them in a minivan. Me on your blue top, no trip, look out, tell them. Me on your big look, no trip, and in a bin, and no good thing, go up, no. Let me know to the Amelan. Tell them in a jam, and that's a villain. I wanna da. Sin a packet a bit a cafet. Sin a from a movie cafet. Listen me this one take a fet. I wanna da. To mon a me vipin pedi shi. To mon a me pisi gishi. Me se se mon a me kebe fili shi. I wanna da. Ni a packet a mono shoma shoka. Me tot mon a da cash. Kosin no sidi shi a gash. I wanna da. Se to piti si bugla kwa kwa. Ti me pish hofe a ka. I po mon me pasa po kwa. I wanna da. Yo obi shi kos fila shola. Mi ma wo. Mas me de la show. Mas me de la wo. Mas me de la show. I wanna da. Tot boy cafe yo pasi po de bad boy. Mas kes kete li me bad boy. Wanna da. Tot on de to whisk cafe yo maki. Wanna da. Se posa yo ti desi na soda shi aguadada. Depende yon ke fila yo ke peti aguadada. Oh, aguadada. Oh, aguadada. Ale la nya paket ma kome. Pleche si buka pe ma kome. Pasi la cha ama kome. Aguadada. A paket a si mamsel. Yo fio des ki tel. Yo ka brrrr po mate o yel. Aguadada. O te ke ti ke ti ni anke. O pi kompli a fosa si ye ki ebe fe di ve. Aguadada. Po na ma ki mite yo pe ma ho. Yo ka brrrr so si pa so chalo. Me ma la gala yo ka fe foto. Aguadada. A mi si yo ka kwa ke ko wa. Ka kutu mi te kon mincha. Me te mon sa ki mon ki fesa. Aguadada. Kabat polis, mon kabat complex, mon ka eva di me man pa le kisis. A wadada, kyo ka shanti zyo, rap ko mega da. Kyo pa bo yo ka zyo, ou ma ke dila. A wadada, polis ka bini le tot bete shafi di pa. Kyo ka do ke mani ka pa mi an nogi. A wadada, ne po shanti di pa. Hey yo, nou ba yo se pom pom gila. Fuyar de pom pom. Hey yo, ha ha ha. Mono di gyal dem hard beat. Dey pretty gyal mi si. Hey yo, yo, yo, les mic go et a pom pom pom. Les man a vivre dans ta pom pom pom. Je n'ai qu'une idée en tête, c'est ta pom pom. Pom pom, pom pom pom. Yo, les mic go et a pom pom pom. Yo, les va rentrer dans ta pom pom pom. Yo, je n'ai qu'une idée en tête, c'est ta pom pom. C'est ta pom pom, ouais, c'est ta pom pom. Yes, I. Oh, si tu es là. Je trouve celle-ci toi, t'es pas comme Godzilla. Suive ton haleine fraîche, ton parfum vanilla. T'es encore plus bonne que ta cousine Gabriella. C'est toi que je veux aussi, tel je dis pas, mais c'est là. Ta poésie vraie comme le miel ou le Nutella. J'aime ton body, toi tu es ma Cinderella. J'aime quand tu wines pour moi tout seul dans ta villa. Yo, laisse-moi explorer ta pom pom pom. Laisse-moi m'appliquer dans ta pom pom pom. Je n'ai qu'une idée en tête, c'est ta pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Yo, laisse-moi explorer ta pom pom pom. Yo, laisse-moi rentrer dans ta pom pom pom. Je n'ai qu'une idée en tête, c'est ta pom pom pom. C'est ta pom pom, ouais, c'est ta pom pom pom. Yo, yo, yo, digi digi tau. Long, long, long, yeah, c'est l'imam très tau. De la thune, remplacer le Zion par le bitume, détruire la planète et émigrer sur la lune. Mais plus on amasse et plus on veut faire fortune, et la vie rapidement se consume. La thune allume et te fume comme un béton. Rapidement tu crames et on t'écrase comme un béton. Elle nous a à l'usure au fur et à mesure, et pour nos descendants mettant un bien très simple de well. Monnaie, monnaie, tout le monde pourra faire la monnaie. Comme à inventer ton démon, son nom c'est la monnaie. Monnaie, monnaie, tout le monde pourra faire la monnaie. On donne son mort et on jette son âme juste sur la monnaie. Monnaie, monnaie, tout le monde pourra faire la monnaie. Comme à inventer ton démon, son nom c'est la monnaie. Monnaie, monnaie, tout le monde pourra faire la monnaie. Il y en a des bâtiments où t'as les billets. Il y a d'autres moyens de toucher tes billets. Même si comme une étoile, tu veux briller. Un jour tu seras les pieds et les poings liés. Il y en a des bâtiments où t'as les billets. Si tu ne veux pas qu'après toi il soit des milliers et des milliers à t'humilier. Un jour pour de la thune tu te feras billier. Monnaie, monnaie, tout le monde pourra faire la monnaie. Comme à inventer ton démon, ton nom c'est la monnaie. Monnaie, monnaie, tout le monde pourra faire la monnaie. On donne ton mort et on fait ton âme juste pour la monnaie. Monnaie, monnaie, tout le monde pourra faire la monnaie. Comme à inventer ton démon, ton nom c'est la monnaie. Monnaie, monnaie, marche et sur ma fille and off to dance. C'est le boy dans mon rap aussi à faire une copie sur les pirates, c'est ce qu'on les appelle. Yeah. Last time them they know we master. Both now we are playing the attack. Up and fetch a big ass on that. Don't say that, you know. When we pull up, he'll detruit sa carrière. Pull up, he'll detruit sa carrière. Pull up, he'll detruit sa carrière. Detruit la carrière d'un frère, c'est pas grand pic. Pull up, he'll detruit sa carrière. Pull up, he'll detruit sa carrière. Pull up, he'll detruit sa carrière. Detruit la carrière d'un frère, c'est pas grand pic. Il veut que tu sois docile pour être déprimé. Il devient ensuite hostile à tous tes amis. Même s'il peut sourire, il reste tes ennemis. Pull up, un homme les avertit. Feu sur le miracle et le chanteur qui le copie. Mes vex contre les fers, alors je brûle les faux que j'ai. Tous les membres qui marquent sont payés de sauver la santé. Car un des verbes mieux que tes faux amis. Pull up, il détruit sa carrière. Pull up, il détruit sa carrière. Pull up, il détruit sa carrière. Détruit la carrière de frère, t'es pas gentil. Pull up. Dans la compétition, mes frères ne m'empêchent d'accomplir ma mission. Sing for the woman and sing for the man. But même by your code, let's keep a good man down. Et sur la tête du king, tu peux retirer la crown. Les old school time, they sold the foundation. Na na na na na na na na na man. My old Pulo, il détruit sa carrière. Pulo, il détruit sa carrière. Pulo, il détruit sa carrière. Détruit la carrière d'un frère, c'est pas gentil. Pulo, il détruit sa carrière. Maintenant je pose une mine sur le kilowatt. Ratatatata que son boy s'est fait chaque. Il me répond j'ai déjà la contre-attaque. Tu sais c'est vénère que je fais mon comeback. Tous ceux qui copient sont des bons potes. Mais je sais que tu es sorti et bobo. Ça m'a gardé, ça m'a passé, mais même pas à quoi. Ça m'a gardé, c'est bien que pour me mettre trouver un bateau. Mais comme un pouce qui n'y a des faux. Si tu regardes, c'est des experts qui en est faux. Ça peut pas dire que ça dit la nuit, ton game bo. Ma gomme, yo, café, qu'on dit cheval et bo. Ça m'a gardé, c'est bien que pour me mettre trouver un bateau. Ça peut pas dire que ça dit la nuit, ton game bo. Ma gomme, yo, café, qu'on dit cheval et bo. Ils nous prennent pour des cons, tous les jours font ça, ça se mérite. Babylone a dû penser que le peuple était naïf. Babylone die, Babylone bye bye. Arrête de faire ça sur le peuple, soit qu'il pense à la maille. Babylone die, Babylone bye bye. Tu te crois immortel, on s'occupe de tes funérailles. Babylone die, Babylone bye bye. Arrête de faire ça sur le peuple, soit qu'il pense à la maille. Babylone die, Babylone bye bye. Tu te crois immortel, on s'occupe de tes funérailles. Must die, car leur système maltraite les démunis. Must die, nous faut croire que les hommes sont tous ennemis. Must die, dans leur perpétuelle quête du profit. Tu devras rendre des comptes un jour, tu paieras le prix. Must die, car ils nous laissent croupir dans la misère. Must die, ils ne respectent pas notre terre. Must die, bientôt nous les ferons tous se taire. J'attends que Jah revienne et du malin nous libère. Babylone die, Babylone bye bye. Arrête de faire ça sur le peuple, toi qui penses à la maille. Babylone die, Babylone bye bye. Tu te crois immortel, on s'occupe de tes funérailles. Babylone die, Babylone bye bye. Arrête de faire ça sur le peuple, toi qui penses à la maille. Babylone die, Babylone bye bye. Tu te crois immortel, on s'occupe de tes funérailles. Condamné à rester fait danser tout entassé. Comme Bibeta Yamassé dans 25 mètres carrés. Il n'y a qu'à regarder les inégalités. Comment veux-tu que les jeunes puissent croire en un état français? Où le délit de sa gueule est encore appliqué. Pourquoi la pauvreté ne donne pas droit à du respect? En boîte de nuit refoulée, triste réalité. Ils préfèrent le voir remplir les pénitenciers. Babylone die, Babylone bye bye. Arrête de faire souffrir le peuple, toi qui transmets la maille. Babylone die, Babylone bye bye. Si tu te crois immortel, on s'occupe de tes funérailles. Babylone die, Babylone bye bye. Les entreprises sont si sans le moindre motif. Les politiques à des califs à la place du calife. Ils savent qu'il y a de la misère mais ils sont inactifs. Les hommes d'affaires volent des millions, les juges restent passifs. Et celui qui fume de la ganja c'est pas le même tarif. Pour ceux qui sont pas nés du bon côté du péri. Pas question de se lamenter mais à nous torturer les grèves. Babylone die, shake a death sign. Babylone die, shake a death sign. Because I'm just a hard worker. Babylone die, shake a death sign. Mm-hmm. les sens sont bad. DJ we want le son jusqu'à ce que les gens viennent mal. Tout le monde c'est bad, tout le monde fait bad. Fenman One, Fenman Two, c'est le DJ Clash Pro. Dans ce système, nous ravis croyants. Dans ce système, fire. Dans ce système, il y a trop de bombines. Guerre politique, cela n'est pas clean. L'homme fait plus l'homme, bafoue les lois divines. Ne respecte plus ses terres, ne respecte plus le king. C'est que les sons, hey, malade à beau. Bon mix, bon rythme, bon temps. C'est que les sons, hey. Manada Boke, 972973, for Africa, what is that? Femme boit de l'eau coco, assi water. Nom tombé acido, assi water. Nous vu du poufa yayo, assi water. Lorsque capable de bayo, assi water. Parce que j'en ai fait ma clinique, ben qui caille là. Quand t'es dit fait, boit d'un poule, l'autre caille là. Quand sont arrivés, qui vient là, ouais, ça sota. Criez mon faya, faya, faya. One in to all bad boy on the street who are completely the kid. Sensitive come to warn you, you are no bad John. Unit! Guns and ammunition, them love that. Knives and bombs, them love that. The younger generation, them love that. They've all gone around, them love that. Guns and ammunition, them love that. Knives and bombs, them love that. The younger generation, them love that. Them all gone around, them love that. Remember in the days of Moses, people used to die, yes, by diseases. Now the pressure, it gone rises. Like the gun is what they choose is. Forget not the fella, yes, no war. Who used to pray the father every hour. Now him light, them try the devour. But the father, him stand and say no, sir. I'm the creator. Guns and ammunition, them love that. Knives and bombs, them love that. The younger generation, them love that. Them all gone around, them love that. Guns and ammunition, them love that. Knives and bombs, them love that. The younger generation, them love that. They've all gone around, them love that. Come to fight against spiritual wickedness in high places. Come to tell the bad man, put down them guns. Put down the knife and put down the cutlass. Let us live in love and peace and harmony. Love your brother, love your sister every day. Do the work of the Almighty Father, you may say. So you'll see that Jah love you and his love, yes, deep inside you. Happy know that brother. Guns and ammunition, them love that. Knives and bombs, them love that. The younger generation, them love that. They've all gone around, them love that.